Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, René Descartes, le père de la philosophie moderne. Voltaire dira de lui, Descartes donna la vue aux aveugles, il y a quelque chose de chrétien là-dedans, ils virent les fautes de l'Antiquité et les siennes, la route qu'il ouvrit est depuis lui devenue immense. On voit la verve de Voltaire, ouais. Mais il va devenir une légende et un mythe, et avec raison, il est considéré comme un fondateur de la philosophie contemporaine. C'est alors, lui c'est... qui initie la modernité. Le professeur de philosophie Benoît Mercier, au micro de Marie-France Bazot à l'émission Indicatif présent en 1996. Philosophe et homme de science, René Descartes est en effet très souvent présenté comme le père de la pensée moderne en philosophie et en science, avec son célèbre ouvrage « Discours de la méthode » et sa non moins célèbre formule « Je pense, donc je suis ». Descartes a profondément marqué les esprits de son temps et au fil du temps, son nom est même devenu synonyme de la pensée rationnelle, cette forme de pensée que l'on dit justement « cartésienne ». Il est impossible d'enfermer Descartes dans le cercle réduit d'une demi-heure, et la matière d'un gros volume n'y suffirait pas non plus. Car cet homme, qui a passé sa vie à se dissimuler aux yeux de ses contemporains, a réussi, au-delà de la mort, à confondre toute tentative de définition. On peut voir en lui le fondateur de la méthode scientifique rigoureuse et l'éternel errant qui changeait constamment de domicile. Le découvreur de la géométrie analytique et l'adversaire des mathématiques. L'apôtre des idées claires et l'écrivain qui enveloppait sa pensée dans les termes les plus flous. Descartes ou la contradiction. Que l'on connaît le mieux de lui, à part le « Je pense, donc je suis », ce sont les quatre préceptes du discours de la méthode. À 300 ans de distance, des esprits naïfs pourraient s'étonner qu'on ait pris la peine de faire si grand état de ces préceptes, qui paraissent être le bon sens même. Mais, comme Descartes faisait remarquer, avec ironie, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Car chacun croit en être aussi bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » Extrait de l'émission « Le roman de la science » animé par Fernand Seguin, diffusé à notre antenne le 22 mars 1959. À la toute fin de l'extrait, c'est le comédien Jean-Claude Deray que vous entendiez. Pour nous présenter la pensée, le parcours également de Descartes, je reçois Véronica Ponce, qui est professeure de philosophie au Collège Marianopolis de Montréal. Véronica Ponce, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi... Véronica Ponce, considère-t-on souvent Descartes comme le premier philosophe moderne? Bien, si on le considère comme ça, c'est parce qu'il est le premier, ou en tout cas du moins un des premiers, on peut penser à Francis Bacon aussi, à vraiment rompre avec la philosophie médiévale, la philosophie scolastique. Donc, la philosophie scolastique, le but de la philosophie, c'était de concilier les thèses d'Aristote, le philosophe grec, et les thèses, la théologie chrétienne, qui était héritée des pères de l'Église. Et Descartes, au contraire, il ne s'intéresse pas du tout à ce qui s'est fait avant lui. Il se base sur sa propre raison, son bon sens, comme on parlait dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Donc, il refuse de prendre pour acquise toutes les connaissances qui lui ont été transmises. Il dit dans les méditations vouloir commencer tout de nouveau. Donc, c'est une refonte complète de la philosophie que Descartes effectue. Et en se basant sur sa raison, il essaie de construire un nouvel édifice philosophique et scientifique. C'est intéressant de noter que Descartes, dans le discours de la méthode, il écrit en français, donc c'est une langue vulgaire. Et ça, c'est une rupture avec la philosophie scolastique qui était écrite en latin, qui était réservée à une élite. Descartes nous dit, et je le cite ici, qu'il voulait être compris même par les femmes. Donc, il s'adresse à tout le monde, c'est vraiment une rupture avec le passé. Dans les méditations, il écrit aussi au « je ». Et ça, c'est vraiment, chez Descartes, une refonte complète de la philosophie et de la science. Oui. Puis on reviendra évidemment dans les minutes qui viennent à cette révolution, appelons ça comme ça, descartienne. Mais un petit mot d'abord quand même sur son parcours, parce que c'est toujours intéressant de passer par là, en commençant par parler de ses origines. Il naît, René Descartes, en 1596, en Touraine, une ville qui est aujourd'hui renommée Descartes. À quel milieu appartient-il et quel genre d'enfance a-t-il, Véronica Ponce? Il est né d'une famille de la haute bourgeoisie. Donc, son père était un conseiller au Parlement de Bretagne à Rennes. Sa mère est morte quand il avait 1 an. Donc, il a été élevé par sa grand-mère et son père et sa nourrice. À 11 ans, il a débuté des études au collège jésuite, le collège de la Flèche. Il reçoit une éducation là-bas qui est scolastique, une éducation classique de laquelle il est très critique. Et c'est seulement les mathématiques qui lui plaisent. Finalement, il décide de faire des études en droit à l'Université de Poitiers. Oui. Et puis au début de sa vingtaine, il s'engage dans l'armée. Il va parcourir ensuite l'Europe, d'ailleurs, dans une série de voyages qui vont s'étaler sur quoi? Presque 10 ans. Parlez-nous de ces années-là, les années de jeunesse de Descartes. À quoi ça ressemble? Donc, comme vous le disiez, il s'engage à l'âge de 22 ans en Hollande, dans l'armée de Maurice de Nassau, prince d'Orange. On sait très peu de choses, en fait, sur ce qu'il a fait dans l'armée, son rôle. On pense, les biographes s'entendent pour dire qu'il devait être soit ingénieur ou professeur d'ingénierie militaire plutôt que soldat. En 1619, il quitte la Hollande. Il s'engage dans l'armée du duc Maximilien de Bavière, alors que la guerre de 30 ans débute à peine. Et puis, c'est intéressant parce que pendant qu'il est dans l'armée, il trouve le temps de se réfugier dans ce qu'il appelle un poêle, donc une cabane chauffée, à l'abri du monde extérieur, à l'abri des distractions, pour réfléchir. Et c'est pendant cette nuit du 10 novembre, on appelle ça la nuit des Olympica. Les Olympica, c'est le nom du manuscrit latin, qui est maintenant malheureusement perdu, dans lequel Descartes parle de cette nuit. En fait, il fait 3 songes. Et ce sont ces songes qui le convainquent de se consacrer à la philosophie. Donc il quitte l'armée et il se met, comme vous disiez, à voyager. On sait très peu de choses sur les voyages qu'il entreprend, mais on sait qu'il se retrouve à Paris en 1622 parce que c'est à ce moment-là qu'il vend une propriété dont il a hérité. C'est intéressant parce qu'en vendant cette propriété, il reçoit beaucoup d'argent, une somme considérable, qui lui permet de s'adonner à la réflexion philosophique et à la réflexion scientifique toute sa vie sans s'inquiéter d'avoir à gagner son argent. Et puis, il décide, ça c'est intéressant aussi et intriguant, de s'établir dès quoi, 1628, 1629, il décide de s'installer en Hollande où il va passer presque 20 ans de sa vie. Pourquoi ce choix de la Hollande? Alors, Descartes nous dit qu'il s'est installé en Hollande pour 2 raisons. Donc, la première, c'est parce qu'il dit, alors, dans le discours de la méthode, il écrit, il dit qu'il s'est installé en Hollande, et je le cite ici, pour vivre aussi solitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés. Donc, Descartes, il cherche à fuir la vie mondaine, la vie parisienne, parce qu'il veut s'adonner à la philosophie, à la réflexion scientifique et philosophique, et il sait qu'il a besoin de calme pour ça. La deuxième raison, c'est que la Hollande, à l'époque, est reconnue pour son climat de tolérance. On jouit en Hollande d'une grande liberté intellectuelle par rapport à n'importe où ailleurs. Donc, par exemple, en France, en 1624, le Parlement passe un décret qui condamne toute critique d'Aristote par la peine de mort. Alors, Descartes, en s'installant en Hollande, ça lui permet de publier des essais scientifiques qui s'opposent à la science aristotélicienne sans crainte pour sa vie. Oui. Il est, puis on l'a déjà compris en vous écoutant, bien sûr philosophe, mais aussi homme de science. Puis à l'époque, il faut se replonger dans l'époque, mais c'est l'étanchéité est moins grande. Donc philosophe, homme de science important, mathématicien. Il fait partie, par exemple, avec Galilée, à la même époque, de ceux qui vont défendre une vision héliocentrique de l'univers. Il figure parmi les fondateurs de la géométrie analytique. Bref, vraiment un scientifique accompli. Parlez-moi de ça. Quelle importance il aura? Quelle importance auront, par exemple, les traités scientifiques de Descartes? Véronica Ponce. La révolution scientifique doit beaucoup à Descartes, comme vous le disiez. En fait, c'est intéressant que le discours de la méthode, qu'on considère comme un traité philosophique, il sert de préface à 3 traités scientifiques qui mettent en application cette méthode qu'il propose dans le discours de la méthode. Donc, il y a un traité sur l'optique, les météores et un traité sur la géométrie. Donc, vous avez parlé de la géométrie analytique, c'est extrêmement important comme apport dans la révolution scientifique. Avant Descartes, l'algèbre et la géométrie étaient considérés comme 2 branches complètement séparées des mathématiques. Descartes, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit les problèmes géométriques à des calculs de longueur et il traduit tous les problèmes de géométrique en équations algébriques grâce au système de coordonnées qu'on appelle maintenant le système de coordonnées cartésienne. C'est extrêmement important. Oui. En 1637, il publie, on y revient, son fameux discours de la méthode, ce qui est très certainement son ouvrage le plus célèbre. On écoute tout de suite un extrait de l'émission « Homme de plume, homme de science » diffusée en 1971 et où on présente la lecture d'un passage qui est devenu célèbre de ce fameux discours de la méthode. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. C'est donc en 1637 que Descartes publie son fameux discours de la méthode. Qu'est-ce qui le conduit d'abord, Véronica Ponce, à l'écriture de cet ouvrage-là? Alors, Descartes, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut offrir une réponse aux sceptiques. Les sceptiques qui affirment que la connaissance est impossible. Donc, au 17e siècle, il y a vraiment plusieurs raisons qui expliquent la résurgence du scepticisme. On peut penser, d'une part, au débat entre la conception géocentrique de l'univers et la conception héliocentrique de Copernic, l'éclatement du christianisme à cause de l'avenue du protestantisme, la découverte des Amériques, comme quand on réalise que différents individus, différents peuples ont des croyances complètement différentes, on peut en venir à douter qu'il est possible de connaître quoi que ce soit avec certitude. Mmh. Et c'est à ce scepticisme qui est défendu, entre autres, par Montaigne, que Descartes cherche à répondre. Il recherche, Descartes, un savoir qui serait certain, indubitable. Et Descartes, grand fan des mathématiques, il s'inspire des mathématiques dans cette recherche. Donc, il dit, en mathématiques, on a des axiomes qui sont intuitivement indubitables ou prétendument indubitables. Et de ces axiomes-là, on essaie de déduire des théorèmes qui sont, a priori, semblent moins certains, mais que, comme ils sont déduits de ces axiomes-là, ils deviennent certains. Et Descartes cherche la même chose. Il cherche un fondement philosophique qui serait absolument certain, duquel il pourrait déduire toute la connaissance. De cette façon, toute la connaissance deviendrait absolument certaine parce qu'elle reposerait sur un socle complètement inébranlable. D'ailleurs, Descartes, il nous parle d'Archimède, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui disait qu'il pouvait soulever le globe terrestre en entier si on lui offrait un point d'ancrage absolument solide pour fixer son levier. Et Descartes dit, moi, je veux la même chose. Et la méthode qu'il emploie pour trouver ce point fixe, c'est la méthode qu'on appelle le doute hyperbolique. Descartes dit, je vais rejeter comme fausse toutes mes croyances, pas seulement celles qui sont effectivement prouvées comme fausses. Non, je vais rejeter toutes les croyances à propos desquelles je peux entretenir un quelconque doute. Oui. Et là, il se dit, n'est-il pas arrivé que j'ai eu des rêves qui semblaient aussi vrais que la réalité? Et il dit, oui. Des fois, je rêve et ça me semble être la réalité. Et donc, il dit, je dois mettre en doute tout ce que mes sens me révèlent. Parce que tout ce que je pense être révélé par mes sens pourrait être simplement le fruit de rêves. Mmh. Et Descartes, il en vient même à imaginer un malin génie. Donc, ça serait un être qui serait aussi puissant que Dieu, mais qui serait malveillant. Et il dit, mais s'il y avait un malin génie, peut-être qu'en fait, ma croyance que 1 plus 1 égale 2, peut-être qu'elle est fausse, peut-être que 1 plus 1 égale 3. Et donc, Descartes vient à remettre en question non seulement les connaissances qu'il pense acquérir par ses sens, mais aussi celles qu'il pense avoir acquises par sa raison. Au bout de la ligne, il en déduit qu'il y a juste une chose qu'il peut savoir avec certitude, c'est qu'il existe. Exact. D'où son fameux, puis c'est, toute sa philosophie repose là-dessus, son fameux « je pense, donc je suis ». On en parle dans un instant. Véronica Poncé, mais on écoute à nouveau le philosophe Benoît Mercier en glissant un mot à Marie-France Bazot en avril 96. Descartes, c'est la nécessité d'une méthode. C'est ça, l'idée d'avoir, de trouver des grands principes à une science, c'est rechercher et se donner une méthode. Car Descartes disait, il ne suffit pas d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Mm-hmm. Donc, toute la démarche de Descartes consistera donc à trouver ce premier principe, un premier principe qui sera comme qui servira à lever toutes les sciences, et c'est le « je pense, donc je suis », qui est très simple, somme toute. Allons-y très rapidement. « Je pense, donc je suis », lorsque l'on dit qu'il n'y a aucune possibilité de connaître, on ne peut pas nier que lorsque je doute, je pense. Mm-hmm. Lorsque je pense, je dis donc que j'existe. L'acte de douter est un acte de penser. Je pense, donc je suis. Voilà un premier mm-hmm. principe. Et dans ce premier principe, il y a la plus belle chose qui soit, la liberté de penser. Ben oui. La pensée qui ne s'autorise plus des grandes autorités extérieures, du pape ou mm-hmm. des princes, de la Bible ou du Code civil, mais de moi-même qui agit et réfléchit sur les grands principes qui doivent agiter ce monde. Alors, comment faut-il interpréter, comment faut-il comprendre cette fameuse, cette célèbre formule « Je pense, donc je suis » de Véronica Poncé? Mais pour comprendre l'argument, il suffit de faire l'expérience de pensée suivante. Essayez de douter pour un moment de votre propre existence. Descartes, il nous dit, c'est impossible. L'acte même de douter de sa propre existence, cet acte de pensée, prouve automatiquement qu'il existe. Oui. Donc, à chaque fois que je pense, je sais que j'existe. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est fondé sur notre propre expérience. C'est pour ça qu'on parle de la naissance de la subjectivité moderne. À ce moment-là, Descartes, on se pose la question, mais c'est quoi ce « je » qui pense? Et à ce moment-là, dans les méditations, Descartes nous dit, bien, ce « je », ça ne peut pas être mon corps. Vous vous souvenez, on hésite, on ne sait pas qu'on a un corps. Peut-être qu'un malin génie nous trompe. Mm-hmm. Alors, il dit, ce que je suis, c'est une chose pensante. Au fil des méditations, Descartes en vient à conclure qu'il est, en fait, un mélange entre une union, un esprit, et un corps. C'est ce qu'on appelle le dualisme cartésien. Descartes, il pense qu'il y a vraiment deux types de substances. Une substance matérielle qui est étendue et une substance immatérielle qui peut même survivre à la mort du corps. Et cet aspect de sa philosophie a eu un impact majeur dans l'histoire de la pensée. Et Dieu, dans tout ça, est-ce qu'il a quelque place que ce soit? Oui, une place vraiment importante. Parce que si on retourne aux méditations, Descartes, il se trouve dans la situation où il sait qu'il existe. Hein? Je pense donc que je suis, je sais que j'existe. Mais s'il s'en tient là, on appelle ça le solipsisme, l'idée qu'on sait seulement qu'on existe et rien d'autre. C'est assez fâcheux comme position. Et Descartes n'est pas un sceptique. Il pense qu'on connaît beaucoup, beaucoup de choses. Alors, comment se sortir de ce trou du solipsisme? C'est en invoquant Dieu. Descartes nous dit qu'il prouve l'existence de Dieu, il nous donne des preuves de l'existence de Dieu. Et parce que Dieu est tout puissant et tout bon, jamais il nous permettrait de nous tromper sur des choses, sur nos croyances, si elles sont claires et distinctes. Et donc, c'est Dieu qui nous offre une sortie du solipsisme. Ouais. Revenons à son ouvrage principal, Le discours de la méthode, qui aura un impact considérable dans l'histoire de la philosophie et des sciences. À sa publication, comment est reçu cet ouvrage-là? Alors, Descartes, il publie le discours de la méthode de façon anonyme. Mais il envoie quand même à tout le monde. Il envoie au roi, à Richelieu, des mathématiciens, des géomètres, et son identité est comme vite révélée. Donc, comme on peut s'en douter, la philosophie de Descartes est mal accueillie, surtout par le clergé et par une grande partie du monde universitaire qui pratiquait la scolastique. Donc, même en Hollande, qui était réputée très tolérante, le recteur de l'université attaque la philosophie cartésienne. Il dit qu'elle mène au scepticisme, à l'athéisme. Il convainc le Sénat de l'université de condamner la philosophie cartésienne. Les magistrats de la ville accusent Descartes de calomnie. Descartes est obligé de faire appel à l'ambassadeur français qui lui-même est obligé de faire appel au prince d'Orange pour qu'on retire l'accusation. Et en France, c'est encore pire. Les attaques sont féroces. Et fait intéressant, 13 ans après la mort de Descartes en 1663, toutes les œuvres de Descartes sont mises à Rome, par Rome à l'index des livres prohibés. Donc, même s'il y a eu beaucoup de critiques, puis en fait, peut-être en parlant des critiques, je peux aussi parler de l'autre extrême, des matérialistes comme Hobbes qui disent « c'est quoi cette histoire-là d'une âme immatérielle, tout est matière ». Mais par ailleurs, il a quand même été accepté, il y a eu des disciples, si on peut dire, chez les laïcs, mais aussi chez certains théologiens. Donc Antoine Arnauld, il dit, théologien, j'enseignais, il dit, Descartes, on trouve du soutien pour la théologie chrétienne chez Descartes, preuve de l'existence de Dieu, thèse de l'immatérialité de l'esprit. Et chez les laïcs, ben, vraiment, c'est fascinant parce que beaucoup de laïcs ont trouvé des façons d'enseigner Descartes, même si ce n'était pas permis, par exemple en taisant son nom ou en attribuant ses thèses à Aristote. Donc, des thèses qui dérangent, mais qui, au fil du temps, finalement, vont s'imposer et rallier pas mal de monde. Un petit mot sur l'épisode suédois de Descartes. Il termine ses jours en Suède, René Descartes. Parlez-nous de ce qui l'amène à la cour de la reine Christine de Suède, Véronique Aponcé. Donc, Descartes a entrepris une correspondance, une relation épistolaire avec la reine Christine, qui était très intelligente, avait une grande culture, elle s'intéresse à la philosophie. Et grâce à l'ambassadeur de France en Suède, elle s'entretient, elle est mise en contact avec Descartes et finalement, elle l'invite à venir lui enseigner la philosophie. Descartes redoute ce voyage parce qu'il a peur du froid. C'est quelqu'un qui a eu toute sa vie une santé très fragile. Mais finalement, il décide d'y aller et la reine lui demande d'enseigner ses cours à 5 heures le matin. Un moment tranquille pour elle, elle se lève à 4 heures du matin. C'est pas du tout dans les normes pour Descartes qui, même dans sa jeunesse, avait des permissions spéciales à l'école pour commencer l'école plus tard parce qu'il passait ses matinées au lit. Et malheureusement, c'est hyper triste. Descartes, il prend froid et il attrape une pneumonie et il meurt à l'âge de 54 ans en Suède. Et aujourd'hui, puis on termine là-dessus, quels sont, où est-ce qu'on en est en fait avec Descartes? Quelles sont, par exemple, les principales critiques qu'on peut lui adresser et comment est-il généralement perçu dans les milieux de la philosophie? Donc, une des critiques vient, par exemple, des militantes et des militants en faveur du bien-être animal. Parce que Descartes dit que les animaux, étant matière, sont comme des machines. Et certains ont interprété Descartes comme pensant que les animaux ont aucune sensation. Donc ça lui a valu beaucoup de critiques. Le dualisme cartésien, l'idée qu'il y a deux substances radicalement différentes, matérielles, immatérielles, ça a reçu beaucoup de critiques. Donc en philosophie de l'esprit, les philosophes naturalistes ont cherché à démontrer que l'esprit cartésien, en fait, c'est juste la matière, c'est le cerveau. Donc ça c'est pour les critiques. Par ailleurs, moi, personnellement, je pense qu'on peut vraiment pas sous-estimer l'apport de Descartes à la philosophie, et y inclut la philosophie de l'esprit. Donc, par exemple, juste la question de comment est-ce que le corps et l'esprit sont liés. À notre époque, l'époque des machines, je veux dire, l'époque de l'intelligence artificielle, la question se pose et la question vient de Descartes. Et il y a encore beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que peu importe le niveau de sophistication des robots qu'on peut construire, il va toujours leur manquer quelque chose qui va faire qu'ils ne seront jamais des êtres humains à part entière. Véronique Aponcé, professeure de philosophie au Collège Marianopolis à Montréal, c'était un bonheur de vous entendre nous parler de Descartes. Merci beaucoup. J'ai été ravie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.